Il existe un endroit qui se dénomme Tosca, pleine perdue au milieu de nulle part, où trop de tapes pour se pétard. Dans cette ambiance de fête, Gigi irait y en mettre, un peu comme au temps des Gaulois. Ripaille franchie sous son toit. Saignez, un sacré saignez. Saignez, convivialité. C'est un rendement incontournable. Pour se rouler sous la table. Saignez, un sacré saignez. Saignez, convivialité. Ce soir on sera tous minables. Demain on s'en fuse grande. C'est un endroit particulier où l'on aime se laisser aller par le tout prix des pompes à guerre qui remplissent tout l'immense de verre. Abondance de demi jusqu'au bout de la nuit, tout se termine toujours très tard et tout le monde porte le soir. Seigneur, ça y est, convivialité, c'est un rat-pain incontournable. Pour se rouler sous la table. Ça y est, un sacré tonnier. Ça y est, convivialité. Ce soir on sera tous minables. Demain on sera en plus grande. Toujours quelque chose à fêter. La musique peut enfin sonner, affirmer son identité. Si un jour tu passes par là, va le voir, tu ne regretteras pas. Musique tricote à volonté, on part tous comme des tarés. C'est un sacré tonnier. C'est convivialité, c'est